Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. C'est maintenant le temps d'accueillir notre très sympathique Sophie Laforêt avec sa chronique Stéréotonine. Bonjour Sophie. Bon matin messieurs. Allô Sophie. Comment vas-tu ce matin Sophie? Ben je m'en tire bien là malgré cette belle température. Ah, il fait-tu beau à l'extérieur? C'est incroyable. C'est pas pire. Ouais. Ce matin t'as troqué le vélo pour l'auto? Je l'avoue, parce qu'il y a des journées un peu moins faciles comme ça où mon vélo reste à la maison, je dois dire. On comprend. On fait ce qu'on peut. On comprend. Sophie, tu viens nous parler aujourd'hui de la Ligue d'improvisation musicale. Oui, exactement. Aussi appelée la LIM 3R. Oui. Donc, c'est une ligue qui revient pour une cinquième saison à Trois-Rivières. C'est une ligue, en fait, qui se déroule... Bon, pour parler des matchs, ça se déroule au bistrot La Chasse-Galerie de l'UQTR. Oui. Et c'est une chance pour nous de les avoir si près, donc, de la communauté étudiante. Et comment le calendrier est composé, c'est que par saison, il y a 6 matchs réguliers ainsi que 2 matchs éliminatoires. Et c'est un concept qui est inspiré de la LNI, soit de l'improvisation théâtrale, comme on connaît tous... Okay, très ouais. bien, compte tenu l'engouement. Eh oui. Et donc, pourquoi s'en est inspiré? C'est qu'en fait, il y a vraiment un thème qui est lancé, ainsi qu'un style et une contrainte, ainsi qu'une durée, un peu comme à l'improvisation où on a des styles comparés et des styles, plutôt des séquences comparées okay, et des ouais. séquences jumelées entre les équipes. Donc, par exemple, un thème peut être motion et motion, avec le style rock des années 80, contrainte, pas de guitare, pour une durée de 3 minutes. Oh, hein, ça doit vraiment être ben intéressant. Oui, vraiment. En fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas faire la même erreur que moi. C'est-à-dire que l'année dernière, je me suis rendue à l'improvisation musicale pour la première fois en match éliminatoire et j'ai adoré. Et là j'ai vraiment regretté de ne pas être allée plus tôt voir les matchs. C'est quoi? C'est au moins la quatrième saison, je crois. Ça va être la cinquième saison. Cinquième? Ouais. Oui, cinquième déjà. Puis, les équipes nous reviennent, en fait, un peu différentes de l'année dernière. C'est-à-dire que l'équipe des Bleus, qui était champion de la saison 2008-2009, revient telle qu'elle. Donc, ils ont conservé la formule gagnante. Okay. Pour ce qui est de l'équipe des Blancs, il y a Olivier Mathieu et Sébastien Dulude qui se sont ajoutés. L'équipe des Bruns également revient plutôt de façon intégrale avec un nouveau joueur, Marc-Antoine Goulet, et une nouvelle équipe, l'équipe des Noirs, qui est composée de 5 nouveaux joueurs. Donc, ça promet. En fait, moi, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il y en est, parce que pour chacune des soirées, en fait, du moins, celle que j'ai vue, c'est-à-dire les 2 derniers matchs éliminatoires de l'année dernière, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était pas comme ça parce que c'était des matchs éliminatoires, mais vraiment, il y a une ambiance particulière à la Chasse-Galerie. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'amateurs de musique sur le campus et à l'extérieur. Puis, c'est des musiciens qui, je dois dire, ont vraiment un talent. Moi, je ne suis pas musicienne, alors ça m'impressionne vraiment beaucoup de voir que non seulement les gens maîtrisent leur instrument, mais sont capables. Oui, parce qu'il faut que tu maîtrises à fond, là, parce que tu te lances dans le néant. Là. Tu te fais imposer des contraintes, puis tu t'en vas go. C'est pas juste de la parole. Ils sont capables d'improviser, puis en plus avec d'autres joueuses ou joueurs. Donc, il y a une complicité musicale qui doit s'établir entre les membres des équipes. Vraiment, je vous dirais, j'essaie vraiment de vous le décrire, mais la meilleure façon de savoir s'il y en est, c'est de se rendre. Et le calendrier. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui. J'y viens. Donc, les matchs sont tous les 3e jeudi du mois. Et le premier match aura lieu le 15 octobre 2009. Ensuite, on a un match par mois, donc 19 novembre, 17 décembre. Pour consulter cette programmation complète, vous pouvez vous rendre sur leur profil MySpace, soit le www.myspace.com/LIM3R, donc L-I-M, le chiffre 3 et R. Et il y a également un groupe Facebook que vous pouvez joindre en insérant Impro Musical TR dans la bande de recherche en fait, de Facebook. Okay. Et encore une fois, vous allez avoir les matchs à venir et le calendrier. Très bien. Il n'y a pas une conférence de presse aussi ce matin? Oui, tu fais bien de me le rappeler. Donc, il y a une conférence de presse ce matin à 10h30 à la Chasse-Galerie où les équipes seront dévoilées. Il y aura plusieurs joueurs sur place et on fera le lancement officiel de cette programmation. Donc, pour ceux qui ont la chance d'y aller, contrairement à moi qui s'en va en cours, je vous invite à vous y rendre. Ben oui. Sophie, tu avais quelque chose à nous proposer? Mais oui, en fait, ce ne sera pas une pièce musicale improvisée, au contraire. Donc, c'est une reprise d'un succès de Marjo, ou plus précisément du groupe Corbeau, qui a été fait récemment par la formation électro-franco-allemande Stéréo Total. Donc, c'est un album qui s'appelle « Carte postale » qui est paru le 8 septembre, « Carte postale de Montréal » de Stéréo Total. Donc, la pièce est illégale. On va aller écouter ça immédiatement à la pilule du lendemain. Sophie, on se retrouve mardi prochain. Avec une critique de disque. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Oui, merci, Sophie. Merci. Bon week-end. Vous aussi. Bonjour, M. Blais. Debout, là. Il est 7 heures. C'est l'heure de prendre votre pilule. Oh boy, ouais, c'est bien vrai, ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain. Ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de Cifou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.